J'arrive à hauteur d'un passage pour piétons. Ce piéton manifeste visiblement son intention de traverser à cet endroit. Je suis tenu de le laisser traverser. Cela implique que je dois ralentir et éventuellement m'arrêter pour le laisser passer. Réponse A.